y a les bisous à la clé. À gagner. Bonjour. On est là. Je m'appelle Kim, je suis content. Je sais pas si l'accueil est super. Merci. Bon, ouais, big alors, up. Rastafari. J'aurais pas dû dire ça, tu vois. Mais si, Rastafari, c'est important. Il y a Guillaume Léglise au clavier ce soir. Bravo! Il a le même t-shirt que la dernière fois. Il y a Blandine Millepied à la basse. Il y a Hugo Berouet à la batterie ce soir. Ce qui fait que d'une certaine façon, il y a une, un orchestre ouest. Ou plus de l'ouest, car Guillaume est breton. Dégage, rentre chez toi, connard. Alors on va jouer beaucoup de chansons, donc on va y aller mollo et on va commencer par une chanson sur Noël. C'est très très triste, qui va nous permettre, comme on disait tout à l'heure avec Marcel, de chauffer un peu tout ça. Voici donc Chris, c'est une très très, très belle fille, et il y a des filles magnifiques devant, formidable. Ta meuf, elle est... Pauline, t'es où? Elle va descendre, je crois. Là, je peut-être laisser passer les demoiselles devant. Pas du tout. Non, pas du tout, mais elle Thank you. that you do not know. I know you know it's a radio song, but you never heard it. Oh, Jesus!

répéter quelque chose tous ensemble. Thank you. jealousy, the love you have, some memories. Hey! de tous les chuchoter très doucement et assis. Assis, on essaie. Comme une espèce de secte envoûtée par des cochonneries. Des genre des culs, des nichons partout et quelques bites. Se relever dans quelques instants, et après j'ai fait une chanson très très calme, quasiment en solo, et qui me tient beaucoup à faire à cœur. Je sais pas si ça existe. Donc vous reviendrez dans votre position assise si vous êtes d'accord. Peut-être tout à l'heure allongé, on verra. Voyons voir tout doucement. Don't need you. Coming faster. Sunday is coming, coming faster. The sunlight is giving the flame. Thank you. Élise et ses super baskets. Thank you. Elle est venue, moi, je l'ai vu une fois. Oh! c'est Guillaume fait son bricolage, vous lui avez cassé son synthé, le pauvre. Oh, il m'a touché. J'ai pas touché. Il m'a touché. Le gars Guillaume l'église qui en chie avec son clavier, le pauvre. Guillaume, ça tient ou ça tient pas? Tu te sens un jeu cette chanson, elle s'appelle Terminal. Allez Guy! Ça se me dit Guillaume que si t'es prêt, tu vas pouvoir faire le riff avec moi. Ok? Surtout là, tu m'as réchauffé là. Spot en pleine gueule. Don't even try to do with me what you wanna do. Yeah. ever try to push me again? Plaisir. hold down the front, don't push me. You talk about me, you say so. Around. I'm not a sad one, but a fish from an ocean town. Wanna be able to live. I got breast up for a fish I can come. When there are times in my life. Yeah. Thank you.